Chapitre 54e. Monsieur de Maillefort, en entendant Mademoiselle de Beauménil s'écrier « Herminie, nous sommes sauvés, vous épouserez Monsieur Gérald et moi, Monsieur Olivier. » Monsieur de Maillefort secoua mélancoliquement la tête et reprit en souriant à demi « Un instant, mesdemoiselles, n'allez pas concevoir maintenant de folles espérances qui me tourmenteraient autant que votre désespoir. Voyons, mes enfants, parlons sagement, froidement. » Ce n'est pas en s'exaltant comme vous faites, et moi aussi par contre-coup, que l'on avance les affaires. L'émotion vous brise, on souffre, on pleure, et voilà tout. Oh, monsieur de Maillefort, ces larmes-là sont douces, dit Ernestine en essuyant ses yeux. Il ne faut pas les regretter. Non, mais il ne faut pas les renouveler. Cela trouble la vue, et nous avons besoin, mes pauvres enfants, de voir clair, bien clair dans notre situation. Monsieur de Maillefort a raison, reprit Herminie. Soyons calmes, raisonnables. Oui, soyons raisonnables, dit Ernestine. Monsieur de Maillefort, asseyez-vous là, entre nous deux, et causons sagement, froidement, comme vous dites. Voyons, reprit le bossu, assis sur un canapé au milieu des deux jeunes filles et prenant une de leurs mains dans les siennes. De qui allons-nous d'abord nous occuper? D'Herminie, dit vivement Ernestine. D'Herminie, soit, répondit le marquis. Herminie et Gérald s'aiment tendrement, ils sont dignes l'un de l'autre, c'est entendu. Mais par un orgueil que j'admire et que j'approuve, parce qu'il n'est pas d'amour ou de bonheur possible sans dignité, Herminie ne consent à épouser Gérald que si elle reçoit, au sujet de ce mariage, la visite de la duchesse de Senneterre. Il s'agit de trouver le moyen d'amener à cette démarche la plus hautaine des duchesses. Rien que cela. Monsieur de Maillefort, dit Ernestine, rien ne vous est impossible à vous. Entendez-vous cette petite câline avec sa douce voix? Reprit le marquis en souriant. Rien ne vous est impossible à vous, monsieur de Maillefort. Et il continua en souriant. Cher enfant, si vous saviez ce que c'est que la vanité dans l'égoïsme. Et ces deux mots vous peignent madame de Senneterre. Mais enfin, quoique je ne sois pas un grand enchanteur, il me faudra tâcher de charmer ce monstre à deux têtes. Ah, monsieur, dit Herminie, si jamais vous pouviez opérer ce prodige, ma vie entière. J'y compte bien, mon enfant. Oui, j'espère que durant votre vie entière, vous m'aimerez. Lors même que je ne réussirai pas dans ce que je veux entreprendre, car j'en serai, je crois, aussi malheureux que vous. Et c'est surtout alors que j'aurai besoin de consolation. Maintenant, à votre tour, ma chère Ernestine. Oh, moi, dit tristement Mademoiselle de Beauménil, ma position est encore plus difficile que celle d'Herminie. Ma foi, je n'en sais rien. Mais je dois vous prévenir, ma pauvre enfant, que je ne puis me mêler en rien de ce qui vous concerne avant d'avoir pris de nouvelles informations sur Monsieur Olivier Raymond. Comment, Monsieur de Maillefort, dit Ernestine, celles que vous avez déjà sur lui ne suffisent pas? Elles sont excellentes en ce qui touche sa vie de soldat. Mais comme il ne s'agit pas d'un nouveau grade à lui conférer, et que l'on peut être un très brave officier et un très mauvais mari, je m'informerai comme il convient. Pourtant, monsieur de Senneterre vous a dit tout le bien possible de monsieur Olivier. Ma chère enfant, on peut être un excellent ami, un parfait camarade, et rendre sa femme malheureuse. Ah, monsieur, quel soupçon! Songez donc que monsieur Olivier me croit pauvre et que... Tout cela est à merveille. La reconnaissance, la générosité, l'amour l'ont amené à vous offrir ce qu'il croit une fortune inespérée pour vous. C'est un premier mouvement très généreux, et tout à l'heure j'en étais moi-même si touché, si ému, que je me suis laissé entraîner comme vous et comme Herminie. Et maintenant, monsieur, demanda Ernestine avec inquiétude, est-ce que votre opinion aurait changé? Maintenant, mon enfant, je ne juge plus seulement avec mon cœur, mais aussi avec ma raison. Et ma raison me dit que si le premier mouvement de M. Olivier est excellent, ce n'est qu'un premier mouvement. Je ne doute pas un instant que M. Olivier ne tienne la promesse qu'il vous a faite, qu'il ne l'accomplisse avec honneur, mais je veux être certain, autant que l'on peut être certain de quelque chose, que dans le cas où M. Olivier vous épouserait, toute sa vie serait d'accord avec ce premier mouvement que j'admire autant que vous. Ernestine ne put cacher une sorte d'impatience douloureuse en écoutant ces sages et prudentes paroles. Le marquis reprit d'un ton à la fois grave et tendre. « Ma pauvre enfant, la confiance que vous mettez en moi, l'attachement que j'avais pour votre mère, l'intérêt même de votre avenir, m'oblige à vous parler ainsi, de vous attrister peut-être, mais je vous le jure. Si Monsieur Olivier me paraît digne de vous, alors je m'emploierai corps et âme à aplanir les nombreux obstacles qui s'opposent à votre mariage. » « Ernestine, dit Herminie à son amie, nous devons avoir une foi aveugle dans Monsieur de Maillefort. La responsabilité qu'il prend en s'occupant de nous est si grande. Et d'ailleurs, loin de redouter les informations qu'il veut prendre, provoquez-les au contraire. Elles vous seront une preuve de plus que Monsieur Olivier est, comme je le crois aussi moi, en tout digne de vous. » « C'est juste, Herminie. Et vous, Monsieur de Maillefort, pardonnez-moi, » dit timidement Mademoiselle de Beauménil. « J'ai eu tort, mais, hélas, il s'agit de ma seule chance de bonheur peut-être, jugée de mon inquiétude, de ma frayeur, lorsque je songe qu'elle pourrait m'échapper. » « C'est au contraire, mon enfant, pour rendre cette chance plus certaine que je vous parle ainsi. Maintenant, supposons que M. Olivier réunisse les qualités que je désire. Il faudra d'abord décider votre tuteur à consentir à ce mariage. Puis, chose plus difficile peut-être, je le crains, persuader M. Olivier qu'il peut sans scrupule épouser la plus riche héritière de France, puisqu'il l'a aimée, la croyant pauvre et abandonnée. Hélas, maintenant je suis comme vous, M. de Maillefort, dit Ernestine avec accablement. J'ai peur que M. Olivier ne refuse. Et pourtant ce refus prouverait une telle noblesse d'âme que tout en me désespérant, je ne pourrais m'empêcher de l'admirer. Hélas, mon Dieu, comment faire, M. de Maillefort? Je n'en sais rien encore, mon enfant. Je vais songer à cela toute la nuit. Et j'aurai bien du malheur si je ne trouve pas quelque chose. J'entrevois même déjà vaguement, ajouta le bossu en réfléchissant. Oui, pourquoi non? Enfin, une fois seul, je mettrai un peu d'ordre dans ce chaos d'idées, mais surtout ne nous désespérons pas. « Monsieur de Maillefort, reprit Herminie, croyez-vous qu'Ernestine doive revoir bientôt Monsieur Olivier ?»« D'ici à quelques jours, non, sans doute. Mon Dieu, que va-t-il penser de moi ?» dit tristement Mademoiselle de Beauménil. « Quant à cela, Ernestine, rappelez-vous que vous lui avez dit que la parente chez qui vous viviez avait un caractère si difficile que vous demandiez quelques jours pour décider si ce serait Monsieur Olivier ou son oncle qui irait demander votre main à cette parente. « Il est vrai, » reprit Ernestine. « Cela me donnera du moins quelques jours pendant lesquels M. Olivier ne sera pas inquiet. » « Et cette prétendue parente, » reprit M. de Maillefort, « c'est sans doute votre gouvernante, ma chère enfant. »« Oui, monsieur. »« Vous êtes sûr de sa discrétion ?»« Son intérêt même, » m'en répond, monsieur. « Cela est très important. » « Car pour qu'il y ait quelque chance de réussir dans nos projets, il nous faut un secret absolu, » dit le bossu. « Et je n'ai pas besoin de vous dire, ma chère Herminie, que Gérald lui-même doit ignorer que la petite brodeuse, dont lui a sans doute parlé M. Olivier, est Mademoiselle de Beauménil. Hélas, monsieur, cette discrétion me sera facile. Je ne reverrai Gérald que le jour où sa mère sera venue chez moi, sinon je ne le reverrai jamais, » dit la jeune fille avec accablement. « Allons, mon enfant, du courage, » lui dit le bossu. « Je ne suis pas dévot, mais je crois au Dieu des bonnes gens. Vous voyez qu'il s'est déjà passablement manifesté en nous réunissant tous les trois. Courage, donc. Mais pour en revenir à M. Olivier, ma chère Herminie, si vous le voyez, comme c'est probable, vous lui direz qu'Ernestine est un peu souffrante. Cela me donnera le temps d'aviser, car tout ce que je vous demande, mes pauvres chers enfants, c'est de me donner seulement 8 jours. Si en 8 jours je n'ai pas conduit les choses à bien, c'est que cela aura été impossible de toute façon. Alors il sera temps de songer à la résignation, aux consolations. Et tenez, mes enfants, avouez que s'il vous fallait renoncer à ces mariages si désirés, ce cruel chagrin vous abattrait moins, réunis toutes deux qu'isolés. Enfin, je serai là aussi, moi, et à nous trois, nous serons bien forts contre le malheur. « Ah, monsieur de Maillefort, » dit Herminie, « un si grand chagrin sans l'amitié d'Ernestine, sans la vôtre, c'eût été la mort. »« Hélas, ma pauvre Herminie, » reprit Ernestine, « pendant ces 8 jours qui vont s'écouler, quelles angoisses, quelles craintes. Mais du moins, nous verrons-nous chaque jour, n'est-ce pas? Et bien mieux? S'écria mademoiselle de Beauménil, tressaillant de bonheur à cette idée subite. Nous ne nous quitterons plus. Que dites-vous, Ernestine? Vous logerez ici, avec moi, dès aujourd'hui, Herminie, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort? Ernestine, ce serait un grand bonheur pour moi, répondit Herminie en rougissant, mais je ne saurais accepter. Le bossu devina le sentiment d'orgueil d'Herminie. Elle eût considéré comme une sorte d'humiliation d'accepter de la riche héritière une vie oisive et somptueuse, et d'ailleurs, la proposition d'Ernestine, en admettant même qu'elle eût été acceptée par la duchesse, pouvait contrarier les desseins de monsieur de Maillefort. Aussi, dit-il à mademoiselle de Beauménil, qui était aussi surprise que chagrine du refus de son amie, il y aurait, je crois, de graves inconvénients pour mes projets. Ma chère enfant, à mettre votre tuteur et sa famille dans le secret de votre tendresse pour Herminie, car l'on rechercherait ici la cause de cette liaison si subite et si intime avec la jeune personne que vous êtes censé avoir vue aujourd'hui pour la première fois, et ses soupçons, la défiance qu'ils exciteraient, pourraient me gêner beaucoup. Allons, il faut se résigner, reprit tristement Ernestine. Il m'eût été pourtant si doux de passer avec Herminie ces 8 jours d'attente et d'angoisse. Je partage vos regrets, Ernestine, dit la duchesse. Mais monsieur de Maillefort sait mieux que nous ce qui convient à nos intérêts, et d'ailleurs, cette brusque disparition de chez moi aurait peut-être éveillé les soupçons de monsieur Olivier. Il m'eût été impossible de lui donner de vos nouvelles, et puis enfin, ma chère Ernestine, il ne faut pas oublier que je vis de mes leçons, et je ne puis rester 8 jours oisive. À ces mots, le premier mouvement de mademoiselle de Beauménil fut de regarder la duchesse avec une sorte de stupeur, ne comprenant pas qu'Herminie pût songer à continuer de travailler pour vivre, maintenant qu'elle avait pour amie la plus riche héritière de France. Mais, réfléchissant bientôt à la délicatesse et à l'orgueil de la jeune artiste, mademoiselle de Beauménil frémit en pensant qu'elle avait été sur le point de blesser, peut-être à jamais, son amie par une offre inconsidérée. « Il est vrai, ma chère Herminie, répondit-elle donc, je ne songeais pas à vos leçons. En effet, vous ne pouvez les manquer. Mais du moins vous me classerez parmi vos élèves favorites, et vous ne serez pas un jour sans venir, n'est-ce pas ?»« Oh, je vous le promets, » répondit Herminie, soulagée d'un poids cruel, car un instant, et ainsi que l'avait pressenti Ernestine, la duchesse avait tremblé que son amie n'insistât pour lui faire accepter une hospitalité qu'elle regardait comme une humiliation. « Ainsi donc, mes enfants, » dit le marquis en se levant, « tout est bien convenu de la sorte. Quant à votre manière d'être avec votre tuteur, ma chère Ernestine, soyez froide, réservée, vivez le plus possible chez vous, mais ne témoignez à ces gens-là aucun amer ressentiment. Un éclat pourrait nous compromettre tous. Plus tard, nous verrons. » « À ce propos, monsieur de Maillefort, » reprit Ernestine, « je crois bon de vous avertir que madame de La Roche-Aigu, toujours persuadée que j'ai l'intention d'épouser monsieur Gérald, voulait aujourd'hui même m'engager à recevoir madame de Senneterre. J'ai demandé quelques jours pour réfléchir. Vous avez sagement fait, mon enfant. Mais demain, il faudra formellement déclarer à madame de La Roche-Aigu que vous ne voulez pas vous marier avec Gérald. Sans donner d'autres explications, je me chargerai du reste. Je suivrai vos avis, monsieur. Demain, je vous dirai à vous, Herminie, pour vous rendre fière et heureuse, combien la conduite de monsieur de Senneterre a été belle et loyale envers moi, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort? Elle a été admirable, ma chère enfant. Gérald m'avait prévenu d'avance de son projet, et il n'a pas failli à sa promesse. Allons, mes enfants, il faut vous séparer. Mon Dieu, déjà, dit Ernestine. Laissez-moi du moins, Herminie, jusqu'à ce soir, monsieur de Maillefort. Malheureusement, je ne puis y rester, Ernestine, dit la duchesse en tâchant de sourire. « J'ai à 5 heures une leçon chez un monsieur Bouffard, que monsieur de Maillefort connaît, et il faut que je sois très exact pour conserver mes écolières. » « Je n'ai rien à dire à cela, Herminie. Il faut se résigner, » répondit mademoiselle de Beauménil avec un soupir, car elle songeait aux difficultés, aux entraves sans nombre, que le travail auquel était obligée Herminie apportait dans les plus douces relations de sa vie. « Mais du moins, reprit-elle, à demain, Herminie ?»« Oh oui, » répondit la duchesse, et j'attendrai demain avec autant d'impatience que vous, je vous l'assure. » Herminie, dit soudain mademoiselle de Beauménil d'une voix émue, « m'aimez-vous toujours autant que lorsque vous me croyez Ernestine, la petite brodeuse ?»« Je vous aime peut-être davantage encore, » répondit la duchesse avec effusion. Car mademoiselle de Beauménil a conservé le cœur d'Ernestine, la petite brodeuse. Les deux jeunes filles s'embrassèrent encore une fois et se séparèrent.